Pascal Christofoli, donc la question du don cumul, justement, c'est une bonne question pour revenir sur cette histoire de la démocratie et puis sur l'absence aussi de travail collectif pour préparer ces réunions de CR. Enfin, on a en face de nous une administration qui tient les rênes, qui a tout un tas de personnes pour exposer des idées et pour exposer des décisions. Et en face, on se retrouve souvent seul parce qu'on a vu les documents 2 ou 3 jours avant, parce qu'on n'a pas discuté avant de ces questions-là. Et là, justement, pour la question du non-cumul, ce qui s'est passé, ça s'est passé en CTPCE, où on a discuté sur des bases qui, je rappelle, le CTPCE est élu sur des bases syndicales, donc, et où on a eu une discussion en séance. Mais il n'y a pas eu de transmission après de cette discussion. On n'a pas, suivant entre le temps, entre les deux instances, il n'y a pas eu de discussion. Et c'est des. Je comprends les raisons qui ont fait qu'il y a eu un changement sur cette question du non-cumul. C'est pragmatique aussi, c'est sur le fait qu'on ne trouve personne pour les élections. C'était un des arguments, c'était de dire, mais on a du mal à trouver des gens concernés. Pour se porter candidat. Et avec les RCE, on ne sait pas. Ça va être des fonctions encore plus. Ça va être des fonctions encore qui vont prendre encore plus de temps. On nous prédit d'être des administrateurs. Donc, ce que vous déclarez en l'état actuel, ça sera démultiplié. Donc, c'est vraiment un problème. Et cette absence de travail collectif et de force de proposition, ce que je suis étonné aussi en conseil scientifique, qui est très intéressant et c'est une très bonne expérience, mais hors des propositions de la présidence, il n'y a rien. C'est-à-dire, on n'a pas de... même sur le travail précaire ou ce genre de choses, on a du mal à proposer des choses. Et ça, chacun a ses occupations par ailleurs, et c'est vraiment un travail collectif qu'il faudrait pouvoir mener, et c'est là où peut-être l'apparition de syndicats à l'école et le renouveau de l'investissement des gens peut combler les choses, mais il faut être réaliste aussi, c'est pas juste avant une réunion qu'on peut décider d'une action commune, qu'on peut peser le pour et le contre, et voilà. Donc je voulais dire ça. Et justement, quand ça s'est passé sur des décisions importantes comme sur la Fédération Condorcet, on a commencé à avoir plusieurs discussions entre nous sur les statuts. On a vu qu'il y avait des impossibilités par rapport à la loi, mais on a vu aussi qu'on a pu commencer à discuter avec les syndicats ou les gens au conseil d'administration d'autres institutions. Ça nous a apporté des informations sur le fait que les autres s'étaient abstenus, par exemple, au IATOS. Mais ce que je n'ai pas aimé aussi, c'est en termes de démocratie, c'est le fait qu'une position des personnels IATOS contre, en sachant justement que 2 mois plus tard, on allait rediscuter de ce texte, a eu à souffrir d'une réaction vraiment hostile et vraiment désagréable de la présidence sur cette question, parce que ça en faisait, c'était un point important vis-à-vis du ministère d'accepter Condorcet. Et donc, c'est très difficile pour les collègues IATOS d'affirmer leur de parler en séance. C'est très difficile pour les collègues IATOS de voter à main levée. Et en plus, quand sur une discussion comme ça, où il y avait un moyen de négociation, ils se font vraiment incendier en sortie de séance, c'est pas possible. Ou alors, ça sert à rien, il n'y a pas de démocratie. Voilà.